l'esprit bat-il la campagne? Est-ce l'amour ou le champagne? Es-tu bien sûre que c'est toi? C'est bien moi! Toi, ma jolie Zénobie! Mon beau hussard! À l'Evena! Je me disais, ce soir, on fête là-bas, sans moi, ces trois galons! J'avais du désir plein la tête, et des fourmis dans les talons! Je suis venue à tout hasard, car ce soir, c'est notre anniversaire. À moi, mon cher, à moi, ma chère, à joli moi, tout plein d'amour, à moi. Souviens-tu du premier jour à Robinson? J'ai dit en te voyant paraître qu'elle est belle. Et moi, j'ai dit qu'elle est vraiment à ce garçon. Je me rappelle. Le lendemain, l'amour naquit en un clin d'œil. Je le vis rayonner au fond de ta prunelle. Le lendemain, sous les tonnerres d'Argenteuil. Je me rappelle. Depuis un mois, ainsi, tous nos jours sont dorés, chaque jour extase nouvelle. À 20 ans, il est nous divin de s'adorer. Je me rappelle. Madame, on revient, monsieur de Mourmelon. Roger, sauve-toi vite. Le temps de me débarrasser d'Antonin et je suis à toi. Je t'adore. Ah, vous voilà, vous. J'ai été partout, je n'ai rien trouvé. Et vous croyez que je vais être dupe de votre histoire? Mais... il y a une heure que je vous attends et j'en ai assez. Zénobie, voyons, Zénobie. Ne suivez pas cette jeune femme. Vous allez à un échec. Comment? Oui, elle et son capitaine. Ils s'aiment depuis un mois. Ils se sont rencontrés à Robinson. Elle s'est donnée à lui à Argenteuil, alors lui, bien entendu, s'est redonné à elle à Noisy-le-Sec. Tous les environs de Paris y sont passés. Oh, les cochons! C'est curieux, j'ai l'impression que j'ai fait une gaffe. Oh, bon Dieu, bon Dieu! Une femme qui disait qu'elle m'adorait. Mais quand les femmes sont-elles donc sincères? Quand elles nous trompent. Ah, mais ça ne se passera pas comme ça, je vous en réponds! Oh, je vous demande un peu, se mettre dans des états pareils sous prétexte qu'on est cocu. En tout cas, si Antonin a perdu une maîtresse, il a trouvé un ami, monsieur du parquet. Et vous, maintenant, ben, vous connaissez les instruments du destin, comme disent toutes les pythonisses. Seulement, il y en a un troisième d'instrument, et c'est même le principal, puisque c'est Ciboulette. Et à qui qu'elle va demander la clé de l'avenir, cette mignonne? À la mère Pingret, bien entendu. Suivez-moi jusqu'au carreau des Halles, vous allez voir. Eh bien, toi, t'es pas folle de mettre tes calottes à cette place-là? La place de Ciboulette? Elle n'est pas là, votre Ciboulette. Ben justement, la voici.